Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. À toi. Oh. Moi je veux bien, mais on va parler de quoi? T'as été même expert en shit. Ah oui, ah, ça c'était assez amusant. J'avais une amie qui était enfant, fille d'une famille, du panier. C'est les familles qui sont beaucoup dans les affaires pas trop légales à Marseille. Et donc un jour elle vient et me dit, bon Hervé, j'ai un ami j'ai un ami qui aimerait bien savoir si ce qu'il a importé c'est chouette ou pas, quoi. Je dis bon, ouais, si tu veux, allez, rendez-vous. On se retrouve dans un endroit assez éloigné de connu de Marseille, qui s'appelle Les Goudes, qui est très éloigné du centre-ville, qui est un endroit dans les Calanques, donc un endroit de rencontre informelle. Et là, le gars me dit, bon, j'ai 500 kilos qui viennent d'arriver, et puis je sais pas trop la qualité, tout ça. Et il me propose de l'essayer, ce que j'avais dit, ok, je suis ok pour ça. Et donc je goûte et tout. Et je lui ai dit, non, il doit y avoir un problème parce que ça a un goût bizarre. Je sais pas si c'est l'emballage ou si c'est quelque chose comme ça, mais ou une coupe, mais il y a un goût qui ressemble fort à une sorte d'hydrocarbure ou quelque chose qui est mélangé et qui donne quelque chose, un très mauvais goût, quoi. Le gars était assez déçu, mais bon, c'était l'occasion de faire l'expert sur un produit qui est aujourd'hui illégal encore, sauf au Colorado et dans d'autres États aux États-Unis, voire à Washington. L'État de Washington du Canada l'a libéré récemment. C'est un produit qui est encore interdit en France et où justement les gens importent ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont pas connaisseurs, et les gens qui consomment n'importe quoi parce que justement il n'y a pas de contrôle de qualité. Voilà. Et donc j'ai servi un peu de contrôle de qualité sur le produit. Voilà. C'est une petite histoire comme ça. Dans l'arrivée, dans les importations, dans ce qui arrive chez nous, différentes possibilités. Mais la première chose, c'est les fourmis, ce qu'on appelle les fourmis, c'est-à-dire les petits transporteurs, souvent indépendants, parfois affiliés à des réseaux, mais souvent indépendants, qui viennent chercher leurs petits kilos et essayer de faire un peu de rond avec ça. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on a un niveau qui est plus élevé, qui est celui du plus ou moins du crime organisé, qu'on appelle le crime organisé, qui sont des filières qui sont plus ou moins couvertes ou plus ou moins secrètes. Enfin, secrètes toutes, mais plus ou moins couvertes. Certains indépendants, qui sont des mafieux, qui importent 500 kilos, comme je disais tout à l'heure, où on va après faire l'expert pour goûter, ou des choses comme ça. Ça sont des indépendants. Et puis ensuite, il faut regarder la réalité. On consomme des tonnes en France. Ces tonnes, elles arrivent pas par les fourmis. C'est pas possible. Donc elles arrivent par des filières étatiques. Bien sûr, c'est pas l'État qui importe lui-même, mais il y a des accords entre les détenteurs des États. C'est pas pour rien que dans toute l'Europe de l'Ouest et notamment en France, on ne trouve que du marocain. Et ça se voit sur des schémas d'importation. Le marocain vient en Europe de l'Ouest et c'est tout. Et le Libanais qui était très bon, qu'on trouvait, Libanais jaune, Libanais rouge, qu'on trouvait dans les années 80 encore en France, aujourd'hui, impossible d'en trouver en France. Tout est exporté en Scandinavie. Et tout ça, ce n'est pas possible que ce soit que des indépendants qui organisent ce marché-là. Ce marché-là est forcément organisé par les détenteurs des États. Voilà, que ce soit mon ami le roi du Maroc qui vienne importer en France, ou que ce soit les Libanais qui exportent vers la Scandinavie, il y a automatiquement, implacablement, des accords entre les détenteurs des pouvoirs dans les États et ces exportateurs-là. Et les filières, ils pensent comme ça aussi ? Mais les filières, elles sont autorisées ou pas autorisées quelque part. Autorisées, ça veut dire je te file une mallette de fric au black et tu me laisses passer mon histoire. Et on se retrouve dans ce cadre-là. Si t'es libanais, non, je te laisserai pas je te l'autoriserai pas à exporter en France. C'est tout. Même tu me rapportes une mallette de fric, non, j'ai mon ami du roi du Maroc qui va me donner plus. Et donc, va exporter en Scandinavie parce que c'est là-bas qu'on t'a autorisé et le marché est organisé. Mais il y a une collusion. Il y a une collusion. Comme entre collègues, on va manger au restaurant. Entre gros bonnets, on va manger au restaurant aussi. Qu'on soit chef de la police, chef de la justice, chef de responsable politique ou mafieux, on se retrouve dans le même restaurant et on discute affaires. Et bien sûr, les affaires, ça va dans tous les sens. Et les affaires, c'est dans ce cadre-là, ben, les exportations, par exemple. Et ça, ça se cadre. C'est cadré à des niveaux étatiques. Et qu'il y a des taxes ou ce genre de choses pour que ça puisse fonctionner? Ah, ou... bien sûr. Ah, bien sûr. Ça n'est autorisé que, bien sûr, avec un pourcentage. Quand l'exportation se fait, l'exportateur, l'importateur, etc. font un maximum de fric. Mais c'est bien sûr que si c'est autorisé, c'est parce qu'il y a un retour. Un retour au black, un retour, on va dire, d'argent liquide qui servira aux élections d'un tel, à ci ou à ça, à prendre le pouvoir à droite, à gauche. Et peu importe d'ailleurs que ce soit à droite, à gauche, c'est de toute façon organisé. Parce que ça ne peut pas se faire autrement que de façon organisée pour de telles quantités. Et bien sûr qu'il y a un retour. On va autoriser à importer une tonne, deux tonnes, trois tonnes, etc. Mais sous condition d'avoir un retour. Et on sait à quoi après ça peut servir, que ce soit pour payer des couleurs d'affiches ou des tueurs à gages. Ça revient au même. L'important, c'est d'avoir du black pour pouvoir s'en servir pour faire des coups, que ce soit pour une élection ou pour autre chose. Tantôt, tu parlais justement de la qualité du Libanais, et par exemple du Marocain. Est-ce que tu penses qu'il y a une mauvaise qualité du Marocain par rapport au Libanais ? Mais il y a une différence de produit lui-même. C'est-à-dire le Libanais a une saveur, on va dire, qui est différente, qui est très agréable, qui parfois est plus fort même que le Marocain. Donc oui, il y a des nuances entre les différents produits, parce que c'est un peu comme les terroirs de vin, on va dire. Donc on va avoir des vins du sud-ouest ou de Bourgogne qui sont très bons, et puis certains vins un peu plus légers, un peu plus, etc. Donc c'est pareil, là ça revient au même. On se retrouve dans une histoire de terroir. On a aussi les blacks afghans et jusqu'à l'Himalaya, hein, qui sont de très bons produits et qui vont eux ne pas avoir. Il n'y a pas d'accord. Donc à ce moment-là, on en trouve très peu et ce sont plutôt les fourmis, plutôt des toutes petites filières qui vont amener ces produits-là en Europe. On ne trouvera pas de gros débits de shit noir qui viennent de l'Himalaya. parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est pas un peu schizophrénique de la part de l'État ou... Non, c'est du double face, c'est pas du schizophrénique, parce que schizophrénique, ça voudrait dire qu'ils sont pas tout à fait conscients de ce qu'ils font. Ils sont très conscients de ce qu'ils font. Ils sont très conscients. Ce sont les premiers à être contre la légalisation. Comme les dealers, les gros dealers sont contre la légalisation. On a des amis qui reçoivent des pressions de la part des gros dealers, des amis qui sont dans des associations de légalisation, qui reçoivent, qui ont reçu là récemment encore, je dirais du côté pour préciser les choses, du côté de Grenoble par exemple, qui reçoivent des pressions de la part de gros dealers, leur disant « mais attends, tu vas arrêter avec ton histoire de légalisation, moi je suis contre la légalisation, ça me ferait perdre trop d'argent ». Bien sûr. Et pourtant, aujourd'hui, qui empêche quelqu'un d'acheter des grandes feuilles en tabac ? On en trouve partout. Qui empêche de vendre des grandes feuilles en tabac, des grandes feuilles à rouler ? Et qui est-ce qui a vu un jour quelqu'un rouler une cigarette longue ? Personne. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un rouler une cigarette longue. Les grandes feuilles, elles servent qu'à rouler des joints. Et pourtant, on en trouve à tous les tabacs. Où est l'hypocrisie, là ? Quand on va dans un tabac, on peut, des tabacs qui sont achalandés avec un peu des petits accessoires, on trouve des pipes à eau, des trucs à fumer. C'est pas pour fumer le tabac. Tout le monde le sait que c'est pas pour fumer le tabac. Et pourtant, on les trouve. On les trouve en vente libre. Alors, il y a une grosse hypocrisie, quand même. On se retrouve vraiment dans... Et donc, c'est plus de l'hypocrisie que de la schizophrénie. On se retrouve dans des gens qui maîtrisent des marchés, qui profitent de ces marchés noirs parce qu'il y a un énorme fric à se faire et qu'ils mangent sur le gâteau et ils ne sont pas prêts de libérer. Parce que s'ils libéraient, comme le Colorado aujourd'hui, en 4 mois, ils ont fait plus de 100 millions de taxes. 100 millions de dollars de taxes. Voilà. Et si on veut aujourd'hui, non pas diminuer les acquis sociaux, mais rétablir les comptes de l'État... on ferait bien de légaliser. Ça permettrait à des cultivateurs de gagner leur vie, ça permettrait à des vendeurs de gagner honnêtement leur vie, et ça permettrait aux fumeurs de fumer tranquillement. Bien sûr qu'il y a intérêt à avoir un suivi médico-socio-psychologique, c'est certain, mais on aurait les moyens de le mettre en place avec des millions d'euros de taxes. Et ces millions d'euros de taxes serviraient pas simplement à mettre en place les moyens pour aider les personnes en problématique, parce que beaucoup de fumeurs sont pas en problématique. Beaucoup de fumeurs fument et puis travaillent et font leur activité normalement. Hein. Comme on boit un bon vin et qu'on continue le lendemain à travailler. C'est la même chose. Le Colorado l'a bien compris et il a libéré l'usage. Il y a 23 États aujourd'hui aux États-Unis qui ont libéré l'usage. Et récemment encore, donc au Canada, le deuxième État du Canada, c'est l'État de Washington qui a libéré l'usage et qui compte faire, avec 75% de taxes, qui est un peu beaucoup, qui compte faire à peu près 180 millions par an de recettes fiscales. Donc on a une capacité à faire des recettes fiscales, ça permettrait de diminuer le marché noir qui alimente non seulement des caisses pourries comme ceux de nos politiques ou de pire encore, de mafias qui certaines dans les cités entretiennent des rapports assez assez directs avec les recruteurs djihadistes et tout ce qui nous fait peur au niveau de l'islam extrémiste. Et pourtant, on vient alimenter ça. On vient alimenter de l'argent, finalement, qui va servir à acheter les fameuses kalachnikovs de nos banlieues. Alors, plutôt que d'acheter la kalachnikov des banlieues, il serait peut-être préférable de fournir des subsides à l'État pour éviter de continuer à massacrer les acquis sociaux. Contradictoire de dire d'une part ouais, l'État veut financer enfin passe sur le marché noir etc et gagne la blinde de thunes dessus et à côté de ça dire à partir du moment où on légalise on va gagner la blinde de thunes mais non parce que c'est pas l'État qui gagne cet argent pour l'instant c'est les détenteurs des pouvoirs qui en profitent illégalement parce que ils génèrent de l'argent au noir, ils génèrent de l'argent dissimulé qui va leur servir pour des actions pourries, que ce soit pour payer le color d'affiche de leur prochaine campagne électorale ou aller flinguer un mec. D'accord. Et donc là, cet argent-là n'irait plus dans ces réseaux-là, n'irait plus à ces actions négatives finalement pour la société, mais irait à l'État, c'est-à-dire à nous, parce que l'État, c'est encore nous jusqu'à présent. Est-ce que... comment est-ce que tu vois alors à ce moment-là ces gens qui justement profitent de ces bakchiches et justement du marché illégal, si tu as un pouvoir qui est derrière, qui est extrêmement changeant au niveau politique. Même si ça reste toujours en termes sociaux d'une certaine classe, mais derrière, c'est des gens qui sont au pouvoir et qui sont en termes décisionnels qui sont là et qui vont changer tous les 5 ans. On change pas le système pour autant. On change juste ceux qui profitent un peu. Mais on ne change pas le système. Le système est en place. Le système rapporte trop pour qu'on le change. Ce qui est intéressant, c'est de récupérer la manne financière quand elle nous arrive. C'est tout. Et c'est ce qui se passe. C'est que ceux qui sont en place récupèrent les mannes financières des trafics qu'ils couvrent. Parce qu'ils sont couverts. Aujourd'hui, les polices ne servent qu'à arrêter les petits trafiquants qui ne rapportent rien à ces gens-là. Les gros trafiquants qui rapportent et qui sont sous contrat avec ces gens-là, on leur fout la paix. Sinon, les plusieurs milliers de tonnes qui sont consommées dans nos pays ne pourraient pas l'être. Ce n'est pas les petits trafiquants qui apportent des centaines de tonnes comme ça, parce qu'il faut voir tout ce qui est consommé dans nos pays. Ce n'est pas les petits trafiquants qui vont rapporter tout ça. Ce sont de gros trafiquants qui sont sous contrat avec les détenteurs des pouvoirs. Et ça, c'est à faire exploser. C'est à faire exploser de manière. D'une manière, parce qu'en légalisant, comme l'a fait le Colorado, on se retrouve avec des cultivateurs, qui sont des gens qui sont soumis à l'impôt, avec des vendeurs qui sont soumis à l'impôt, bien sûr qu'il faut réglementer la vente. Bien sûr qu'on ne va pas autoriser la vente à la sortie des écoles ou aux gamins de 14 ans. C'est certain. Et c'est certain qu'à partir du moment où on aura une loi qui permet de dire il est autorisé de vendre à une personne majeure qui sait ce qu'elle fait, qui consomme raisonnablement, à ce moment-là, on pourra prendre une taxe honnête dessus. Et encore plus pénaliser celui qui va vendre aux gamins dans la sortie de l'école. Et on aura plus de moyens. Parce que les 100 000 arrestations qui se font aujourd'hui en France, plus de 100 000 sur le fumeur de joint, on pourra s'en passer, on pourra libérer des forces policières qui iront s'occuper du violeur ou du braqueur de mémé. Celui qui arrache le sac de mémé, qui est libre, qui est tranquille pour l'instant, il sera beaucoup plus inquiété parce que les flics sont pas en train de s'occuper du pauvre fumeur dans son coin. Donc là, on aura un gain social intéressant. On baissera la délinquance. La délinquance de celui qui veut arracher un sac pour acheter à fumer, c'est pas vrai, ça. Ça n'existe pas beaucoup. Mais plus celui qui arrache un sac parce qu'il arrache un sac. Oui. Ben, celui-là, on pourra l'arrêter parce qu'il y aura des forces de police qui seront prêtes à l'arrêter, parce qu'elles ne seront pas en train de s'occuper du pauvre petit fumeur qui est dans son coin. D'accord. Voilà. Voilà une autre façon de voir les choses. Est-ce que tu l'as vu ? Aujourd'hui, les bilans du Colorado, c'est 5% de diminution de la criminalité en 4 mois. 4 mois de légalisation, le Colorado a fait déjà un premier bilan. 100 millions d'euros, de dollars de taxes, donc dans les caisses de l'État, et diminution de 5% de la criminalité. Donc on a en effet... Pourquoi ? Parce que les forces de police sont redéployées sur les vrais problèmes de la société. Parce qu'un gars qui fume un joint dans un coin, c'est pas un problème de société. C'est son problème à lui, peut-être. Peut-être qu'il devrait pas, c'est une chose. Mais en tout cas, quand il fume son joint, il embête personne. Il se fait peut-être un peu de tort à lui. Bien sûr, il a pas à prendre le volant, pas plus qu'on a à le prendre avec de l'alcool. Mais il fait pas de tort à la société. Par contre, celui qui braque la mémé, qui casse un appartement, qui casse une boutique, lui, il fait du tort à la société. Et lui, on pourra l'arrêter parce qu'on aura des forces de police libres, parce qu'on aura des places de prison libres. Voilà. Et on pourra peut-être arrêter aussi les politiques qui magouillent parce qu'on aura aussi des forces de police libres et des places de prison libres. Ah, c'est votre amoureux, le monsieur qui a fait le four ici. Oui, c'est monsieur qui fait le four. Hein. Ouais. Vous pouvez un peu situer, parce que là, on est à Bruxelles. Oui. On est où dans Bruxelles? On est près de Tour et Taxi, quoi. On est de près de Tour et Taxi, de près de Jet et Laken, Molenbeek exactement. Et ces trois communes qui... arranger trois communes qui mélangeaient avec tout le monde, ouais. Et chaque samedi dimanche j'en viens prendre son pâte cuire ici dans la four, ouais. Moi je trouvais c'est très chouette. Mais comment ça s'appelle, parce qu'à la base ici c'est pas un parc ici, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez un peu expliquer, ou bien c'est compliqué pour vous, qu'est-ce qui s'est passé ici pour que ça devienne un endroit un peu... Attendez, il y a un potager, il y a un four à pain, il y a des poules. Non, c'est un parc public pour tout le monde, la Belge, Flamand, Marocain, Turc, tous les pays qui viennent ici, c'est mélangé, pour moi c'est très bien. Et pour le projet, je trouvais très bien dans la Bruxelles, c'est partout, c'est béton, c'est grand bulduc. Et le building. Oui, le bulduc. Et alors maintenant, c'est très bien pour moi. Et dans la Bruxelles, on ne trouvait pas une comme ça. Non, oui, c'est unique. C'est unique de venir faire son... Et alors, je viens à la Turquie. Vraiment, je suis d'une culte. Je viens à la Turquie. C'est vraiment pour moi. C'est une nature. C'est comme mon pays. Non. Comme chez vous, comme dans votre pays. Moi. Et moi, j'étais née dans une nature, c'est mon village, il n'y a pas de voiture, rien. Et maintenant, c'est très bien, moi, je trouvais une bonne chemin que je suis là. Et moi, je suis très contente. Ben oui, c'est clair. Oui, on est très content. Et j'ai encore une jardin à côté, ici, c'est tout le taxi qui est là-bas. J'ai une jardin avec la poule, avec des tounes. Hein. Avec des? Des poules. Ah oui, des poules avec des... Oui. Des tounes, vous avez Oui. C'est quoi, c'est des tounes? C'est poules, et on a partagé, on a semé tout et toutes les choses. Non, c'est très bien pour moi. Super. Oui, on a des abeilles. Chaque année, des on a, abeilles? Oui. Chaque année, on a à prendre la miel et des choses, beaucoup de choses. Chouette, chouette, oui, chouette. C'est très bien pour moi. Non, et là, qu'est-ce que vous avez fait cuire là? Maintenant, je fais la pâte chez moi et je montrais les gens qui goûtaient ça. C'est quoi une pâte comme ça, avec la farine. C'est des petits pains? Oui, c'est des petits pains. Ok. Oui. Ils sont mignons. Oui, oui, oui, c'est très bien. Et monsieur? Monsieur qui donne la construction. Monsieur le mari qui a construit le four. Oui. Vous me le réexpliquez une deuxième fois, comment vous avez construit votre four? D'abord, fabriquer, quoi c'est ça? Des briques. Briquer. Donc mettre des briques en rond. En bas, voilà. Cimenter alors, oui, avec du ciment. Oui, une petite maison. Oui. Après, et pain avec terre et de l'eau mélangée et fait. Et 3-4 jours laisser. Après, briquer sorti, mais laisser, voilà. Okay. Fini. Combien de temps ça vous a pris ça? Kaç gün git? 3-4 jours. Oui, 3-4 jours. Et quoi, ça vous plaît alors de d'avoir un four ici? C'est vous le un peu le créateur du four à pain Ouais, très bien, pain, pizza, gâteau et tagine marocain. Tout le monde. Mais bien, chouette. Vous vous appelez comment? Ali. Oui. Ali. Ali, oui. Merci Ali. Hein. De rien, c'est pas grave. Et quelque chose à dire comme ça, sur, spontanément, sur cet endroit, comme ça, en plein milieu de nulle part? Ce petit bout de verdure, de parc, de nature au milieu. Oh, très bien, très bien. Pour les enfants, pour famille, la venir avec les enfants, manger, assis. Bien, très très bien. Parce qu'ici, il n'y a pas parc. Molenbeek, Kukkelbeek. Mais ici, jette. Ça, c'est très très bien. Ouais, tout le monde vient manger, assis, parler. C'est bon, très très bien. Super. Il faudrait qu'il en. Il faudrait protéger ces endroits. Hein, oui. Là. Et jardin, jardin collectif. Très bien. Bien. Bah, merci à vous. Hey, voilà. Donc ici, je vois des petits bonhommes en vert foncé comme ça. Ça pourrait ressembler un peu à l'habit du policier, sauf qu'il est vert. C'est vrai, hein? C'est ça, ouais. Il a tout vert. Et ça, c'est quoi cet habit, en fait? C'est la tenue de travail IBGE. IBGE? IBGE, ouais. Ça veut dire? En fait, c'est l'Institut Bruxellois pour l'environnement, voilà. Vous avez été acheté par eux, alors? Ben non, on n'est pas vendu, on n'est pas... on n'est pas vendu, on n'est pas acheté. Voilà, c'est juste qu'on a un contrat de travail, puis voilà. Ok, et c'est un contrat de travail, alors, de combien de temps? Ben, moi, nous, ici, on a un contrat de travail à durée indéterminée, voilà. Donc, vous avez un travail dans l'environnement, dans le quartier ici. C'est quel quartier, en fait? Ben non, ici, on a au quartier maritime, mais on travaille dans tous les quartiers, on fait dans tous les parcs de Bruxelles Environnement. Ici, c'est le quartier maritime? C'est ouais. Comme ça qu'on dit? C'est ouais. Ça, oui. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? À cause peut-être du canal? Le canal, oui, c'est ça, le canal. Je pense que c'est à cause du canal, c'est ouais, je suppose. Transport des marchandises. Ça va. Tout ce qui vient de l'autre pays, ça, je pense que ça arrête tout ici en bas, là, sur le port de Bruxelles. Je pense. Hein. C'est quoi l'adresse exacte ici, si jamais on a envie de connaître cet endroit? Parce qu'après, on va un peu décrire ce qu'il y a dans cet endroit, mais c'est quoi l'adresse exacte? Ben ici, le plus sûr pour se rendre ici, c'est d'emprunter le métro à Belgica, direction Belgica ou Panenus. Et donc, le parc tour et taxi se situe entre le métro Belgica et Panenus. Voilà. Et juste vous sortez à Belgica, vous êtes au parc, vous ne pouvez pas vous égarer, c'est bien précis, c'est facile à trouver. Voilà. Sur le côté de votre taxi. Vous cherchez le taxi, vous rentrez directement le parc de votre taxi. Oui, c'est facile de trouver ici. Ok, vous pouvez un peu expliquer, alors vous qui travaillez dans l'environnement, c'est quand même un sujet vachement branché. C'est pour rigoler que je dis ça, hein, vachement branché, mais c'est vrai aussi dans la ville de Bruxelles. Dans les villes en général, bon, l'environnement, en même temps, on dit qu'il faut le préserver et en même temps, on fait tout le contraire, quoi. Est-ce que vous pouvez un peu donner votre avis là-dessus? Vous pensez quoi de l'environnement puisque vous travaillez dedans? Ben, moi, je pense que l'environnement, l'idée, au fait, l'environnement doit être préservé. Je pense que, voilà, on fait tout, c'est pas tout le monde qui respecte ça, mais à l'IBGE, on fait l'effort de préserver l'environnement. On fait l'effort de prendre soin de l'environnement, voilà. Et donc moi je pense que depuis que je travaille à l'IBGE, je pense qu'on fait de notre mieux pour que l'environnement soit respecté, pour que l'environnement... Mais c'est quoi l'environnement? C'est le niveau de espace vert, la nature, voilà. Conserver la nature. Qui ne sait une grande ville, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert. grâce, c'est bien, son bon association de BG, qui est plein d'espace vert pour nos enfants aussi, qui bien respirer l'air et en plus faire sa promenade dans la fin d'après-midi avec les enfants. Je pense que c'est intéressant. C'est pour ça que l'espace environnement, c'est très important pour des gens de Bruxelles, bruxelloises. Quoi. Ok, mais on fait quoi en fait pour défendre l'environnement? Par exemple, ici, ce site, est-ce que vous pouvez un peu le décrire? C'est quoi ici? Où on est? Je vois qu'il y a un four à pain, je vois qu'il y a des poules. C'est quoi ce bazar? Ben, en fait, le but, c'est de créer un milieu de rencontre et puis avec la population même du quartier et puis ceux d'ailleurs, c'est de créer un environnement. Mais qui a créé ça en fait? L'environnement a été créé. Ici, qui a créé ça? Le four, les poules? En collaboration avec IBGE, avec la région bruxelloise. Donc voilà, et qui en collaboration aussi avec le Parc Design. Donc, qui a eu cette idée de faire tout ce que vous voyez là, la ferme, le four à pain et la serre, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout le monde, des gens qui viennent visiter, qui partagent de bons moments ensemble dans un coin naturel, calme, où on est loin de tout pollution ou je ne sais pas. Parce que le but, c'est aussi ça, être dans un coin naturel, voilà, avec l'espace où voilà, les enfants peuvent courir tranquille. Il y a des moutons, comme vous l'avez remarqué, il y a les poules qui sont là. Donc ça donne l'aspect naturel, l'aspect campagne, l'aspect voilà, convivial avec l'air frais qui circule. Et voilà, et donc nous on est là juste pour veiller à ce que voilà, les règles de ce site du parc au fait, soient respectées. Voilà, on fait de notre mieux parce qu'il y a certaines règles qui sont mises. Voilà. Comme quoi, par exemple, les règles? Parce que j'ai vu quand on est arrivé avec le studio mobile, vous êtes tout de suite venu pour dire hey, vous avez le droit d'être là. Voilà, ben voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi des règles. Les règles, c'est que voilà, le site soit vraiment un site vraiment pratique pour les gens. Donc, on interdit, il y a interdiction d'entrer avec tout véhicule, tout engin en moteur dans le site, sur le site. Donc, il y a eu vous maintenant. Donc, c'est exceptionnel, c'est un événement. Donc là, avec l'accord de l'IBG, vous pouvez venir. Mais sinon, puisque c'est un espace où on doit être libre de circuler librement, parce que voilà, les enfants peuvent circuler. Donc on trouve que c'est un peu, voilà, c'est pas le lieu où on peut rentrer tout le véhicule, à moins que ce soit pour des événements, pour des cas précis. Voilà, donc tu as ça. Et là-bas, en fait, c'est le quartier. C'est quoi? Parce qu'on voit vraiment, c'est super marrant. Enfin, marrant. Ah, la construction là-bas. C'est tout des buildings, c'est quoi en fait là-bas? Ben, c'est un quartier culinaire que je vois, à mon avis, qui est en pleine construction. Et là, vous avez la construction des bureaux de l'IBGE, donc, qui est fait prêt maintenant. Donc, c'est le nouveau bureau de l'IBGE que vous voyez là en noir, juste en face de vous. Et derrière, c'est des buildings pour le quartier, pour l'évolution du quartier. Voilà, je pense que... Mais c'est amené à s'agrandir et à tout... Ça va mourir cet endroit-ci, non? Je pense pas. Je pense que l'idée de l'IBGE, c'est ça, c'est de faire en sorte que ces endroits merveilleux ne meurent pas, c'est de faire en sorte que de préserver ces endroits, parce que là-bas, peut-être parce que je sais pas qui sont ceux qui s'occupent de là-bas ou de quel droit ils ont consommé. Je pense que c'est légal si l'on fait, mais ici a été transformé en parc au fait pour préserver cet endroit. Je pense que déjà avec notre présence, avec vous et les gens qui se sentent bien ici, je pense pas si un jour ça va être si ça va mourir. Je suis optimiste, je pense que voilà, j'espère que ça va rester. Je serais curieuse de voir le combat qui va être mené là, parce qu'on voit hein, tout le quartier. Comment il s'appelle ce quartier? Maritime, je crois. C'est... Bah, c'est, Zen, c'est, comment ça s'appelle tout ce quartier-là, toutes les constructions quartier de Tour et Taxi? On l'appelle le bâtiment qu'on voit là-bas, c'est le bâtiment de l'IBGE. On appelle ça le toaster passif. Ça a la forme d'un toaster et c'est un bâtiment passif. Ben voilà, il connaît voilà, l'IBGE. Voilà, il connaît l'IBGE. Donc à un moment donné, il va y avoir une confrontation entre ici et tout ce quartier qui va continuer à manger de la terre. Et est-ce qu'il va manger cet espace-ci? Cet espace-ci, je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a des limites. Cet espace est déjà limité, donc jusqu'au point. Et dans plus tard, je pense que ça va prolonger jusqu'à Boxtal. Donc je pense que cet espace est bien limité. Et il y a eu l'accord, donc ça a été créé et c'est là. Et si tout se passe bien comme là maintenant, les gens ils viennent, ils aiment l'espace, ils viennent, ils vaguent à leurs préoccupations avec les familles. Donc je ne pense pas si ça va mourir un jour parce que moi j'ai espoir, je pense que ça va vivre. Voilà, même si c'est construit tout autour, je pense que c'est important pour la nature, pour les gens, on a besoin. Parce qu'il y a plusieurs visiteurs qui viennent et qui sont contents, qui sont même étonnés de voir que cet espace existe à Bruxelles. Évidemment, mais c'est hallucinant. Vous avez les buildings, le pont limite avec les voies. Enfin, c'est hallucinant. Mais la logique de Bruxelles, c'est aussi de manger de plus en plus de terrain. Il y a des potagers à XL qui ont été carrément exterminés il n'y a pas tellement longtemps. Il y a de plus en plus de terrains qui sont mangés de plus en plus pour pouvoir construire, pour pouvoir vendre. Tu sais ça? Ouais, ça un petit peu, ouais, je sais, parce qu'on dit c'est la mondialisation, je ne sais pas comment appeler ça, c'est la modernisation. On veut créer plus de. Je pense que l'objectif, ce n'est pas ça. Il y a des personnes, il y a un groupe de personnes qui veulent créer plus de meubles, de trucs, mais aussi, il y a d'une part aussi ceux-là qui veulent préserver. La nature, voilà. Oui, ben on va voir le combat, on va voir le. Et dis-moi, parce que là, il va y avoir le débat qui va commencer, mais comment ça se fait que tu as voulu faire ce travail? Comment ça s'est déroulé pour toi? Que j'ai voulu faire le travail de gardien de parc. Mais t'es un gentil gardien ou t'es un méchant gardien? Parce que tantôt, quand on t'a vu arriver, t'avais l'air mauvais. Hein. Ben non, j'avais pas l'air mauvais, mais c'est juste que quand on est en position d'intervention, il faut pas être non plus trop gentil ou non plus méchant aussi. Il faut être dans les normes. En fait, là, c'est un cadre plus professionnel, donc il faut être professionnel. C'est vrai que souvent, voilà, comme je vous l'ai dit, on a eu des cas où des personnes qui rentrent des véhicules et qui n'ont pas l'autorisation, qui déjà ne veulent pas nous écouter. Donc, il y a un certain allure, il faut approcher la personne plus professionnellement. Voilà, peut-être que voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Puis essayer d'avoir les informations si vous avez l'accord ou pas. Et puis là, après, contacter qui de droit ou bien vous amener là où il faut pour avoir les accords. Donc c'est juste que comme là maintenant, à chaque situation, il faut s'adapter. Voilà, on s'adapte. Et donc c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose où on apprend. On est toujours en apprentissage. Moi, j'aime bien, avec tous mes collègues, c'est comme une école. Donc, on finit pas d'apprendre. On est gardien, mais on a mené. T'apprends tous les jours. Ok, donc c'est ça, on apprend toujours. Mais c'est quoi exactement ton boulot régulièrement? Parce que gardien, ok, t'es gardien. Mais c'est quoi exactement le boulot, quoi? Boulot, moi, je pourrais être gardien aussi, tu vois. C'est ça. Mais mon boulot régulièrement, c'est la prévention. C'est de faire la prévention. C'est de faire, comme je vous l'ai dit, faire respecter certaines règles qui ne sont pas les plus difficiles. Les règles les plus difficiles, voilà, c'est des règles à respecter dans un lieu. Et puis d'être là, faire du social, approcher des gens et savoir si il n'y a pas de problème, vérifier que tout se passe bien dans le parc, que les infrastructures qui ont été mises en place pour l'espace soient respectées, s'il n'y a pas de cas de vandalisme et tout ça. Et donc c'est un peu ça, on fait la ronde et puis... Vous êtes des surveillants. Jusque-là, tu ne me dis rien d'autre de... Parce que tu dis aussi que tu travailles dans le social, c'est-à-dire tu fais quoi exactement? C'est juste que voilà aussi, on est occupé, par exemple, s'il y a des SDF qui campent là ou bien qui sont là, on est amené à aller vers eux et essayer de les orienter plus précisément et savoir c'est quoi les problèmes ou voilà. Donc c'est un peu ça, pour moi, j'appelle ça un peu faire du social. Et s'il y a des groupes de jeunes qui viennent, qui ne sont pas occupés, on est amené à les amener à on est animateur, donc on s'adonne à les occuper, à faire des animations, des matchs de foot, voilà, ou bien... Comme cerf-volant, comme on vient de le faire, on a monté un cerf-volant maintenant. Donc c'est ça, c'est d'occuper les gens, c'est que l'espace ne meurt pas par la faute des constructions, mais... S'il y a des gens qui viennent et qui ne sont pas occupés, qui s'ennuient à regarder la nature, ça aussi, ce n'est pas bien. Donc, on fait respecter, y compris les règles. Bon, on va vers les gens, on essaie de créer un lien, on essaie de les apporter un peu de joie en échangeant avec eux, en les écoutant. Et voilà, donc c'est tout ça le métier de gardien. Parce qu'il y a des moments qui sont difficiles où on reçoit, il y a des gens qui ne prennent pas ça bien, il y a des gens qui pensent que ouais, on ne fout rien, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile. C'est une tâche qui est très dure et qu'il faut aimer avant de le faire. Vous ne faites pas rien, mais vous ne faites pas grand-chose. <C'est> une... Ben ouais, il y en a qui le pensent, mais pour moi c'est grand chose parce que c'est pas facile. On a eu plein de cas où on rencontre des difficultés par contre. On a fait des grandes choses. Hein. Nous fait beaucoup. Il y a des gens qui pensent que nous sommes des gardiens, qui pensent que nous faisons rien, mais nous faisons beaucoup de choses. Par exemple, gérer des conflits des gens drogués, gérer des conflits des gens qui boivent de la bière, de l'alcool, qui a des bagarres, n'ont été qu'intervenir 5 minutes. Des gens, des gamins qui rachent un sac d'une madame, n'ont été qu'appeler la police, faire un constat, plein de choses. Par exemple, beaucoup de gens ici en Bruxelles, à Bruxelles, ici, pour le son, un grand problème au niveau de la drogue. Et la drogue s'emporte à quel âge? De 12 à 15 ans jusqu'à 40 ans. Et ici, maintenant, le problème du nous, de l'espace vert. Ici, précisément? Ici, précisément. Ici, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas. Maintenant, où que nous travaillons dans certains parcs, nous avons fait beaucoup d'attention avec des seringues, des seringues, des gens qui se piquent, nous avons besoin de ramasser, mettre dedans une boîte spéciale pour ça. Il voit association pour contrôler ça au niveau du seringue, à qui donner, expliquer le drogué, pour expliquer d'endroit public ou dedans de toilettes. Et là, certainement, la fin d'après-midi, tu sens vraiment la fatigue. Et là, des gens pensent, ah, il se fait rien. Mais quand tu vois une grosse bagarre de 15 personnes, 30 personnes, tu as besoin de rentrer là-dedans. 15, 30 personnes, t'as pas une bagarre. Parce que, attends, moi je défends souvent l'idée qu'on n'arrête pas de dire à Bruxelles, il y a de la violence, de la drogue et tout ça. Oui, c'est vrai, hein, on n'est pas dans la forêt vierge, mais vous n'avez pas des conflits avec 15 personnes tous les jours non plus. Quoi. Tous les jours, c'est exceptionnel en même temps. Mais ça existe. Il y a des gens qui se réglament des comptes, ils ont réglé les comptes dedans d'un parc. Il y a des gens qui ont des gros chiens, des pitbulls, ils vont faire des combats dedans du parc. Tu as besoin de s'exprimer avec ces gens, à certaines façons, pour pas arriver à un corps d'agressivité, de façon qu'ils parlent avec eux. Et là, à la fin, ta tête, c'est un peu fatigant. Et là, qui nous montre qu'ils ont fait notre travail. C'est ça qui... C'est quoi la différence alors, entre le métier de policier et votre métier? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la différence? Nous ne sommes pas armés. Le métier de policier, Nous ne sommes pas armés, nous n'avons pas de monotes. Nous ne sommes pas armés, nous n'avons pas de monotes. Mais le reste, nous n'avons pas le droit de mettre des gens en prison, au commissariat de police. Mais le reste, nous faisons la même chose. Au niveau de la parole, ne fais pas ça. Mets ta canette de bière à la poubelle. Laisse la madame tranquille, qui t'entend au parc, qui ne va pas embêter des gens, gérer des conflits de gens au niveau des bagarres. L'unique chose du policier, c'est qu'ils ont un revolver et des monotes. Ouais, c'est ça la différence d'un policier bleu. Notre seule arme, c'est la dissuasion, c'est la parole. Voilà, c'est la parole, c'est la communication, faire comprendre, voilà. Sinon, on ne peut pas, si maintenant on dit à quelqu'un, sortez votre voiture, mettez votre chien en laisse, qui refuse. On a plus rien que de le convaincre par la parole, par les techniques, qu'on s'adapte, voilà, à la personne. C'est pourquoi tantôt vous avez dit, peut-être je suis un peu, je ne suis pas venu, voilà. Mais on s'adapte, c'est tout. Le policier, il a son arme, il a des règles, il peut verbaliser. Nous, on a des gardiens qui sont assermentés pour ça, mais pas tous les gardiens. Donc on a des limites quand même dans notre fonction. Mais même avec le peu d'âme qu'on a, notre parole, on arrive quand même, ça circule bien, on arrive à convaincre les gens. Le jeune, il est venu, il a dit, ouais, j'ai 18 ans, je vais se promener, il me l'a mis sa moto là. On arrivait quand même à le convaincre. Au départ, il ne voulait pas coopérer, il était un peu dur, mais on arrive à le convaincre de mettre la moto en dehors du parc. Et voilà, nous, déjà, c'est déjà une fois, ça nous fait plaisir de voir qu'on arrive à amener les gens à changer, à comprendre, à respecter les règles qui sont dans le parc. Voilà, la politesse en plus, hein. La politesse, la bonne idéologie, tu parlais avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas facile. Alors tu as besoin plus gentil du monde, une bonne idéologie, fait les comprendre ça que c'est un espace public, pas parler avec un vélo, pas gérer des problèmes, des conflits, et aussi pas mettre notre métier aussi en risque. Hein. J'ai pas compris là. Et aussi, on est toujours poli, gentil. Que nous sommes tous les jours ici. Comme j'ai dit à vous, on n'a pas de monotes, on n'a pas des armes. À quelques moments, des gens qui ont un problème ici, quelqu'un ne peut débarquer ici à 5 et 6, il te fait un grand problème. Pour ça, qu'on fait le maximum possible pour faire des gens comprendre au niveau de la parole, la bonne éducation, gentiment. Et ça, je pense que ça marche. Juste maintenant, c'est ça. Ouais, ben ça marche bien sûr. Déjà par notre présence, il y a des gens qui viennent. Par exemple, il y a des gens qui viennent, qui ont des vélos, qui les laissent n'importe comment, qui n'ont pas de cadenas, qui les laissent. Mais rien que par notre présence, je pense que ces gens, ils se disent, ben, tiens, le gardien, il est là. Mais sans même vouloir le faire, mais ils savent qu'on est là, donc ça les encourage. Il y a des personnes qui viennent, souvent des événements, les sacs sont pas là, on va vers ces messieurs, ces personnes, on leur dit, ben voilà, écoutez, c'est jamais arrivé, mais faites attention à votre sac, essayez de mettre votre vélo par là, essayez de faire prendre soin de votre objet, tout ça. Donc rien que par notre présence, je pense qu'il y a beaucoup qui comprennent et qui sont reconnaissants de ça, qui sont, ah oui, j'avais oublié, je ne pensais pas. Donc notre présence, je pense que ça amène beaucoup dans les parcs, les gens comprennent, si la femme à ça fonctionne bien. Quand on la quoi, vous dites? La farm house. Donc, la ferme, oui. La ferme house, voilà. Merci. Donc, quand on n'est pas là, ils sentent qu'on n'est pas là. Par exemple, quand on fait les pauses, je pense qu'ils le sentent. Et quand on va, elles nous disent, ah, vous étiez passé où? Parce que, ou bien, on veut que vous soyez là, telle heure. Ils savent qu'on ne fait pas des répressions, on n'oblige pas, mais ils savent que le fait qu'on soit là, ils sont plus à l'aise, elles sont plus à l'aise dans leur boulot, on les rassure. Et voilà. La tranquillité, là. La tranquillité. La tranquillité, oui, oui. C'est un peu ça l'objectif, voilà, amener les gens, rassurer les gens que voilà, ils peuvent être à l'aise voilà, dans l'espace. Ouais. Moi, je dis juste un truc, essayez de bien comprendre ce que je dis. Donc, votre métier, ben voilà, c'est un métier aussi où on. Un peu sécurité, on veille sur les autres, de contrôle aussi. Mais j'espère que à l'avenir, vous me dites si vous comprenez pas. Genre, il y aurait pas de travail, il y aurait plus de travail pour les gens, mais il y a du travail pour être contrôleur, sécurité, travail. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on serait plus que des, on se contrôle tous les uns les autres, quoi. Déjà ça se passe parce qu'il y a de plus en plus de sociétés de gardiennage, il y a plus en plus de, on demande plus de, ça devient vraiment un truc bien. Voilà, ils investissent beaucoup là-dedans. Je pense que la société même évolue comme ça. Mais voilà, c'est la société évolue comme ça. Mais à IBGE, c'est pas l'objectif, c'est pas de contrôler. C'est de rassurer les gens qui sont là. On ne fait pas de contrôle. On rassure les gens. On est là pour dissuader les gens. On est là pour faire comprendre aux gens qu'ils sont à l'aise. On ne fait pas. C'est pas comme le policier peut-être qui va voir quelque chose de louche et il va directement ça. Nous, tant qu'il n'y a pas de fête, on n'a rien à vous dire. Vous venez, bonjour monsieur, bonjour madame, on vous voit triste, bonjour, mais on n'a pas à vous contrôler, on n'est pas là pour contrôler. Ben, si, quand même, parce que moi, je croyais qu'en fait, les personnes vertes, elles se connaissaient super bien en plantes, en, vous voyez, en terre, quoi. Non, c'est pas votre rôle en fait. Il y a plusieurs structures à IBGE. Nous, on est gardien de parc. Donc, c'est ce dont on a parlé tantôt. Et il y a des jardiniers qui sont eux spécialistes dans des plantes, dans tout ce qui est végétation, dans tout ce qui est voilà, plantes et terres. Donc, il y a l'équipe jardinier qui sont faits pour ça. Il y a des formations. Eux, c'est des jardiniers. Mais nous, on est gardien. Donc, on n'est pas pareil. C'est comme à la police, vous avez des policiers, des agents de quartier et des personnes qui travaillent au sein même de la police qui ne sont pas policiers. Donc, IBGE, c'est un peu ça. Donc, on ne se connaît pas forcément en plante. C'est vrai qu'on se renseigne souvent par curiosité, qu'on voit les jardiniers, c'est quoi ça. On essaie de s'informer. Comme je l'ai dit, c'est une école. On apprend et on apprend. Mais sinon, on n'est pas spécialement. Voilà la connaissance des plantes, des feuilles, de la. Non. On apprend. Nous, notre spécialité, c'est le gardiennage. Ça n'a rien à voir avec les plantes, tout ça. Animer, faire l'animation avec les enfants. Rester. Mais nous aussi des gardiens. Nous aussi, le période hivernale, nous aussi en formation pour faire des connaissances au niveau des plantes, les plantes, ça. Expliquer sur Jazia, par exemple, ah, monsieur, c'est quelle plante? Ah, c'est la plante, tatata, voilà. C'est venu. Ça commence au BG, commence à former des gardiens, pour faire plus de connaissances sur son travail au niveau des plantes aussi. Voilà. Ça commence à venir aussi. C'est une bonne idée. Super. Et merci à vous. Est-ce que vous avez envie de terminer sur une pensée, ben, rien qu'à vous, quelque chose que vous auriez à dire, que vous auriez envie de dire comme ça en passant. Vraiment, ce que je peux dire, ce que je pense pour moi, c'est bien, c'est une bonne initiative de faire des parcs, de créer des espaces comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des constructions qui sont faites pour essayer de bouffer du terrain, mais c'est une bonne initiative. Et voilà, j'espère que ça va continuer parce que la lutte de Bruxelles Environnement, c'est de créer d'avoir plus de terrain pour plus de territoires comme ça, pour le bienfait de tout le monde. Et nous, c'est que du bonheur pour nous de voir que les gens ils viennent, ils sont contents. Quand ils viennent et ils repartent contents, nous, c'est la journée déjà gagnée. Donc voilà, vive les Pâques et vive l'espace vert. Un peu de forêt, quoi. Juste un mini de forêt, ça, c'est plus important. En plus, c'est bien pour les enfants. Les enfants juste ici à côté de nous. Une pleine ville, plein de bâtiments ici. En plus d'espace vert, ils sont là, ils sont en train de jouer. Ça, c'est magnifique, ça que je pense. Hein. C'est... Alors j'espère que le jeu continue à faire encore d'espace vert. Même pas pour nous, nous sommes des adultes. Mais je dis pour cette nouvelle génération des enfants qui vient, qui déjà presque rien ici à Bruxelles pour eux. Hein. À part des bâtiments, des voitures, pollution à gogo. Et ça, j'espère que le jeu continue encore à faire des projets, plus de projets, projets pour sa jeunesse, ses enfants qui viennent. Comme ça, après l'école, ils ont terrain de foot, ont animation, espace ouvert, ils peuvent faire sa promenade avec son chien. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Merci à vous deux. Hein. Merci beaucoup. Donc, à vous, merci madame. À vous aussi. Et puis, théâtre a quelque chose d'irréel et d'irréel, à nous d'être réel. L'utilité de l'inutile, c'est aux nouvelles éditions augmentées les belles lettres. Comme Ionesco l'a très justement observé, si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Bien des années avant lui, une description de la cérémonie du thé avait d'ailleurs permis à Okakura Kakuzo de situer, dans le simple geste d'un homme cueillant une fleur pour l'offrir à sa compagne, le moment précis où l'être humain s'est élevé au-dessus des animaux. En percevant l'usage subtil de l'inutile, il est entré dans le royaume de l'art. D'un seul coup, un double luxe. La fleur, l'objet, et l'acte de l'accueillir, le geste, représentent tous les deux l'inutile qui remet en question le nécessaire et le profit. Les véritables poètes savent bien que c'est seulement loin des calculs et de la vitesse qu'il est possible de cultiver la poésie. Ainsi, selon Reich, être artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières sans craindre que l'été puisse ne pas venir. Les vers ne se plient pas à une logique de la précipitation et de l'utilité. Bien au contraire, comme le suggère Cyrano de Bergerac dans ses dernières répliques de la pièce d'Edmond Rostand, l'inutilité est parfois nécessaire pour que chaque chose devienne plus belle. Que dites-vous ? C'est inutile ? Je sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Nous avons en effet besoin de l'inutile comme nous avons besoin de satisfaire les fonctions vitales du corps. Ionesco encore, la poésie et le besoin d'imaginer, de créer, est aussi fondamental que celui de respirer. respirer, c'est vivre et non pas s'évader de la vie. Comme le montre Pietro Barcellona, cette respiration exprime le fait que la vie s'excède elle-même. Elle est une énergie qui circule sous une forme invisible et va au-delà de la vie, bien qu'elle lui soit immanente. Et c'est dans les plis et les replis de ces activités considérées comme superflues que nous pourrons trouver la force de penser à un monde meilleur, de cultiver le projet utopique d'atténuer, sinon de supprimer, les nombreuses injustices et les douloureuses inégalités qui pèsent ou devraient peser comme du plomb sur nos consciences. Dans les moments de crise économique, surtout quand l'utilitarisme et l'égoïsme le plus sinistre semblent être l'unique boussole ou l'unique ancre de salut, il faut comprendre que ces activités qui ne servent à rien peuvent justement nous aider à nous évader de la prison, à éviter l'asphyxie, à transformer une vie plate ou une non-vie en une vie fluide et dynamique, mue par la curiositas pour les choses de l'esprit et pour l'humain de condition. Si Pierre Lecomte de Nouy, biophysicien et philosophe, nous a invités à réfléchir au fait que, dans l'échelle des êtres, seul l'homme accomplit des gestes inutiles, deux psychanalystes, Miguel Benassayac et Gérard Schmitt, nous suggèrent que l'utilité de l'inutile, c'est l'utilité de la vie, de la création, de l'amour, du désir, parce que l'inutile produit ce qui nous est le plus utile. C'est ce qu'on crée sans raccourci, sans gagner du temps, au-delà du mirage créé par la société. Voilà pourquoi Mario Vargas Llosa a justement souligné, en 2010, à l'occasion de la remise du prix Nobel, qu'un monde sans littérature serait un monde sans désir, sans idéal, sans insolence, un monde d'automates privé de ce qui fait qu'un être humain le soit vraiment. La capacité de sortir de soi-même pour devenir un autre et des autres, modelé dans l'argile de nos rêves. Vous avez pu entendre Expert en shit, on va l'appeler comme ça, interview réalisée par Thomas Baquet, collègue de radio. Bravo mon pote. Ensuite, on a pu entendre aussi du son d'un collectif qui s'appelle Martien Go. Je ne sais pas si ça aimerait se faire appeler collectif, enfin, c'est comme ça que je le vois, quoi, hein, un groupe de personnes. Donc c'est Martien Go qui a une émission sur Radio Campus. On a pu entendre un monsieur et sa dame gère un four, ont créé un four dans un parc qui s'appelle le Parc Design. On en a déjà parlé plusieurs fois dans les micros ouverts là. Cette maison ferme, cette ferme maison là. On aura l'occasion d'encore en parler un petit peu aussi. Et donc, c'est un projet, je tiens à le préciser, qui est reparti pour un an, alors que le projet, on ne savait pas très bien s'il allait mourir ou vivre. Eh bien, ça y est, il est reparti pour un an. Les politiques sont contents de voir qu'il y a moyen de faire des choses, de créer des choses. Et c'est vrai que c'est un très chouette endroit. Et en tout dernier lieu, eh bien, c'est la parole aux gardiens de parc, les bonhommes en vert, qui travaille à l'IBGE, c'est tout.